Et en collaboration avec Voir Québec, le concert Marc Ribeau, Ceramic Dog. Le samedi 17 mai à 20h, venez entendre la musique qui déménage du trio punk rock avant-gardiste au pavillon du Mont Arthabasca de Victoriaville. Listen, man. People, they're fucking sleepwalking. They're just sleepwalking, man. Pour plus d'informations ou pour acheter des billets, visitez fimav.qc.ca. En mai, c'est à Victo que ça se passe pour le 31e FIMAV. À ne pas manquer en mai au Bar Rock la sauce de la Martinière. Auraz, jeudi 30 avril. Capsize, dimanche 3 mai. 68, lundi 4 mai. Soirée Folk Rock avec The Free Walker, vendredi 8 mai. The Mashup et Swiss Knife, samedi 9 mai. La Ligue d'impro La Libido, mardi 12 mai. The Lazy, mercredi 13 mai. Counterpunch et Crossdog, jeudi 14 mai. QCDM Death Metal Fest, samedi 16 mai. Pour plus d'infos, suivez-nous sur Facebook. À la sauce de la Martinière, il faut que ça coule. Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec. C'est l'émission Terrain Incognita encore pour 2 heures. Et vous êtes en compagnie de Bruno, France et Jean-François. Et on va parler de beaucoup de choses, et entre autres du nouveau Anecdotène qui est enfin sorti, l'Anecdotène nouveau, hein, comme on peut dire. Oui, Anecdotène nouveau. Et ça s'appelle « Until all the ghosts are gone ». Et oui, je ne sais pas de quel fantôme il parle, là, mais disons qu'il était devenu un petit peu fantomatique, Anecdotène. Ça faisait quand même plusieurs années qu'on n'avait pas entendu parler d'eux autres. Mais on entend toujours quand même un peu parler, mais je veux dire, je parle d'une présence sur disque. Et il va y avoir encore beaucoup mieux que ça, parce qu'il va y avoir une présence sur scène. Et ça a lieu quand, ça? Le 16 mai. Ben oui, reste-tu des billets? Il ne resterait plus de billets pour le 16 mai. C'est ce qu'on entend dire, mais il semblerait que ce soit vrai cette fois-là, parce qu'il y a couru des rumeurs sur Facebook, des rumeurs pas toujours éclairées. Il y a quelqu'un qui cherchait des billets, et après un appel au centre d'Arles-la-Chapelle, il n'y en avait plus. C'était sold out depuis la semaine dernière. Ben, en fait, ça aurait dû être sold out depuis beaucoup plus longtemps que ça, parce que la venue d'Anecdotène, c'est quand même tout un événement à Québec, parce que la dernière visite remonte à... ça fait 98. Longtemps. Ben oui, hein, 98. Pendant le Progress, un beau lundi pluvieux, mais à l'intérieur, il y avait beaucoup de soleil, parce que Anecdotène avait chauffé la salle comme il faut, avec un show électrisant. Mais le spectacle de 1994 reste gravé dans ma mémoire. Ça avait été un show double en plus, hein, avec Discipline, qu'on connaissait moins, qu'on connaissait un petit peu plus par un côté un peu plus pop. Push and Profit, qui était plus pop un petit peu. Et par la suite, le groupe de Matthew Parmenter est devenu beaucoup plus sombre et aussi beaucoup plus travaillé. Mais cette fois-ci, Anneke Dotten, ben, il ne sera pas tout seul. Il va être en tête d'affiche, mais juste avant, il va y avoir aussi des bons groupes hein, qui seront... Frog Café puis Elephant of Scotland. Ça, c'est pour le samedi? Oui. Frog Café. Il me semble que c'est dimanche. Non, dimanche, il y a 8. Ouais. El Castello di Atlante puis Capo di Capo. J'ai de la misère avec le nom, là. Non, le groupe de Montréal, c'est pas samedi? C'est dimanche. Ah, ben, on va vérifier tout ça, là. Mm. Je pense qu'on est. Bruno rit un peu, Bruno. Non, Bruno le sait pas. Bon, mais de toute façon, ça va être... on vérifie tout ça, puis on vient au prochain micro là-dessus. Mais disons que ça va être une belle soirée, puis ben, si vous n'avez pas de billets, mais, quand même s'informer, on ne sait jamais. Hein, au Centre d'art, peut-être qu'il peut se libérer quelque chose, peut-être quelqu'un peut avoir un billet à vendre, on ne sait jamais. Et pour le dimanche, la tête d'affiche sera K-Pod à Capo. Et ça, je pense qu'il reste des billets. Je crois. Bon. Ça va être à vérifier. Oui, ben on va se faire plaisir en écoutant un petit peu d'anecdote. On va écouter la pièce Shooting Star. Mais après ça, on va entendre quelque chose. Là, on est vraiment un petit peu accroché sur ce disque-là. Michel me parlait de ça avec beaucoup de bien, mais des fois, Michel s'excite beaucoup sur un disque. Puis des fois, il a raison, des fois moins. Des fois, moi, j'accroche pas. Mais dans ce cas-ci, c'est un disque qui tourne en boucle. Et c'est le groupe allemand Sylvan. Très bon disque. Ah oui, c'est bon. C'est un gros disque aussi, là, 76 minutes. Et c'est vraiment captivant. Et on termine ce premier bloc avec... Bruno m'informe qu'il n'y a plus de publicité au demi-heure. Fait qu'en réalité, oui, ça va être un bloc, mais on va vous revenir après. On ne change pas notre formule. Donc, ce sera ACT avec un disque qui n'est pas nécessairement sorti dans les dernières semaines, là, mais qui s'appelle Circus Pandemonium. Et on va entendre la pièce Lady in White. C'est un bon groupe qui fait une musique, un prog un petit peu plus accessible. Donc, on débute avec Anecdote. We'll be right back.

right on her naked neck. The crew removing the safety net. And mom runs round the seats beneath, makes her tremble with fear. High above the solid ground, she hesitates but takes the leap. In unison, the crowd inhale as she leaves the unsafe ledge. Don't even dare to think. Like a bouncing ball. Nothing in her eye reveals how she actually feels. She sets up a fixing net, preparing for the final step. She shuts her eyes and leaves the bar. The audience cheers. Don't even dare to think. City, un groupe de Suède qui s'est fait assez rare dans les dernières années, parce que le dernier disque, Silence, qu'on avait fait jouer ici, ou c'était peut-être ailleurs. Il faut dire que cette année, en 2015, moi et Bruno, on célèbre le 10e anniversaire de notre collaboration. Ça fait 10 ans qu'on fait de la radio ensemble, c'est pour dire que le temps passe quand même. Hein. Dire que quand on a commencé, on avait 10 ans de moins, probablement un peu moins gris. Mais on a toujours autant de plaisir ensemble. Et juste avant, c'était Sylvan avec la pièce In Between du magnifique disque Home. Et je pense que ça démontre que Michel ne s'était pas énervé pour rien cette fois-là. On avait débuté avec Anecdoten, Until All the Ghosts Are Gone, en attendant d'y voir dans 2 semaines et que ça passe vite. Dans 2 semaines, on va avoir Anecdoten devant nous. Et pour ce prochain bloc, mais juste avant, là, France, je suis pas fier de toi, là, parce que d'habitude, pour les shows, là... Ben oui, ça arrive, hein? Ben oui. Un groupe de dernière minute. Ben oui, faites-le la programmation, c'est. Le 16 mai, ça s'écrit oui, mais ça se prononce house. Oui, parce que c'est à la néerlandaise. À la néerlandaise. Ensuite, c'est Elephant of Scotland. Ouais. Et Anecdoten pour finir... la soirée. Le 17 mai, Frog Café. El Castello di Atlante. Exactement. Puis Keipa, que j'ai de la misère à dire toujours. Ça veut dire Keipa à nouveau. Parce qu'il faut quand même comprendre que de cette façon-là, il y a deux Keipa. Parce qu'il y a le Keipa d'Hans Lundin, qui est la réincarnation de Keipa, mais à la sauce moderne. Et ce groupe-là ne se produit pas sur scène. C'est un groupe exclusivement de studio. Puis, quand ils sont revenus, Ron Stolt en faisait partie. Mais c'était les deux seuls membres d'origine. Aujourd'hui, il reste juste Hans Lundin qui est membre d'origine de Keipa. Et Ron Stolt est allé chercher son vieux collègue Thomas Eriksson et Ingmar Bergman à la batterie. Et il y a son frère Michael Stolt et Thomas Bodin au clavier. Donc, eux autres, ils se concentrent exclusivement sur les 3 premiers disques de Keipa, dont le premier qui est franchement délicieux. J'ai hâte d'entendre ça sur scène, ça va être quelque chose. Et Rien de nouveau sous le soleil, le 2e, et Solo, le 3e. Je le mets en français parce que ça ne me tente pas de le dire en suédois. On va poursuivre en musique juste avant. Et dans le 3e bloc, on va vous parler d'expériences qu'on a vécues cette semaine. Très beau show. Mais on va en parler seulement qu'au 3e bloc et on va d'ailleurs en écouter une pièce. Mais pour l'instant, c'est Minimum Vital. C'est un vieux groupe qui... ils ont toujours été là, mais moi, je trouve que c'est un retour en force avec Pavan, qui, je trouve, qu'il fait un gros clin d'œil à son meilleur disque, je pense, qui est Sarabande. Sarabande. Ben oui, qui date de 1990. Et sur Sarabande, une pochette plutôt rosée, là, avec des petits bonhommes qui dansaient devant un feu. Mais sur celui-là, ben, c'est des bonhommes, oui, mais c'est une photo prise dans une forêt avec 3 gars avec des têtes de lapin, de loup, puis celui du fond, on voit pas trop, là. Moi, je trouve que c'est une allusion, je trouve, puis même le titre, là, Pavan, là, Sarabande, je trouve qu'on joue un petit peu dans les mêmes eaux, là. Mais cette fois-là, c'est un disque double, et beaucoup de musique médiévale, musique acoustique, et toutes sortes de choses, et c'est franchement très bon. On va entendre une pièce qui s'appelle Folkish, et... on va entendre aussi du Steve Hackett, je pense que Wolf Flight. Ben oui, c'est un très bon disque. En attendant, peut-être une venue à l'automne? Peut-être une venue à l'automne. C'est ce que j'ai lu possiblement en novembre. Mais cette fois-ci, ça va être surtout du matériel de Steve Hackett. Donc, je pense qu'il y a un petit peu de cover de Genesis, mais en général, ça va être des pièces solo. Et franchement, c'était très bon le dernier concert de Genesis. On disait Revisited au début, mais après ça c'était Extended ou quelque chose du genre. Mais je me suis rendu compte à ce moment-là que je m'ennuyais du matériel de Steve Hackett, puis j'ai hâte de voir ça sur scène. Donc si ça se produit à l'automne, ben tant mieux, sinon ce sera peut-être un peu plus tard. Et on va terminer ce bloc avec Refuel du groupe Rocket Scientist, qui, eux autres non plus, sont pas disparus, mais disons qu'ils sont faits un peu plus rares. Et dans Big Bang, il y a une entrevue où ce que on explique pourquoi ça a pris du temps comme ça. Mais allons-y à la musique avec Folkish du groupe Minimum Vital. Thank you.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. À ne pas manquer en mai au Bar Rock La Source de la Martinière. Auraz, jeudi 30 avril. Capsize, dimanche 3 mai. 68, lundi 4 mai. Soirée Folk Rock avec The Free Walker, vendredi 8 mai. The Mashup et Swiss Knife, samedi 9 mai. La Ligue d'impro La Libido, mardi 12 mai. The Lazy, mercredi 13 mai. Counterpunch et Crossdog, jeudi 14 mai. QCDM Death Metal Fest, samedi 16 mai. Pour plus d'infos, suivez-nous sur Facebook. À La Source de la Martinière, il faut que ça coule. Bonsoir, bienvenue à la Barberie. Qu'est-ce que je peux vous servir? Je vais te prendre une casquette, un t-shirt small de fille, deux t-shirts large de gars, un porte-clés, un pot de moutarde, un pot de confit d'oignon, une pincée de graffiti puis une tuque. Tressé ou à rabat noir, la tuque? Donnez-moi les deux. Quelque chose à boire? Cruchon de lait de jambéry pour emporter. Madame. Non, je reçois. Non. Chérie, réveille-toi. Oh, je rêvais que j'étais à la Barberie. Yeah. À la Barberie, il y a de la bière. Et beaucoup plus encore. Et encore plus. Vous avez envie d'entrer dans les rangs de CKRL? De partager vos connaissances musicales avec nos auditeurs? C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison d'été 2015. Voici la marche à suivre. Rendez-vous dans la section « Proposer une émission sur ckrl.qc.ca » et remplissez le formulaire en ligne. Vous avez jusqu'au 3 mai. Repos! Fidèle à sa réputation et à sa tradition, le bar Le Sacrilège souhaite collaborer à nouveau avec un artiste de Québec afin d'enrichir son décor. Le Sacrilège offrira à un artiste de la région la possibilité d'exprimer et d'exposer son talent sur une murale de l'une des plus belles terrasses en ville. Vous avez jusqu'au jeudi 21 mai 2015 à 17h pour vous inscrire. Tous les détails au www.lesacrilège.com. 89.1 CKRL. Wow, ça décape ça. Ouais. Et, mais juste avant, les pubs La Barberie, entre autres, sont assez rigolotes. Et même l'autre, j'ai pas retenu le, c'est à quoi le sujet, là, mais avec la petite musique New Orleans, là, j'ai trouvé ça assez comique aussi. Mais bon, on parle de pub. En terminant ce bloc, c'était Rocket Scientist avec Martial. Et juste avant, Steve Hackett avec Black Thunder. Et on avait débuté avec Folkish du groupe français Minimum Vital. Et bon, on disait ça décape. Là, ça devrait décaper un petit peu aussi parce que on va débuter ce bloc avec le dernier album de Nightwish qui s'appelle Endless Form Most Beautiful. Et Nightwish qui revient avec un disque double, ben en fait c'est une édition spéciale puis qui comprend une version instrumentale. Donc c'est le même disque deux fois, mais le deuxième disque est instrumental. Et ben, je pense qu'on préfère le premier avec la chanteuse Flor Jansen qu'on a vue avec Arion, entre autres. Et on va écouter une autre pièce qui m'accroche beaucoup depuis cette semaine. Et tu devines pourquoi, hein? Ben oui, Aiken. Ben oui, on est allé voir Aiken mercredi. Mardi, mardi. La semaine passe vite, hein? Et ben oui, c'était un show double avec Spock's Beard. C'est pas une première partie, là. Chacun a joué 2 heures. Et bon, disons que c'est assez pesant, hein, Aiken. Ben, en fait, sur disque, oui, mais disons qu'en concert comme ça, avec la basse à 6 cordes, là, c'est assez lourd. Mais assez sophistiqué aussi. Il y a des jeux de voix là, assez spectaculaires, là, un peu à la Gentle Giant, ça nous fait penser à ça. Et ben, pour se remettre un petit peu dans le beat, on va entendre Cockroach King, qui est extrait de Mountain, que j'avais peut-être un petit peu négligé. Je me rends compte que je n'avais peut-être pas assez écouté ce disque-là. Puis en l'écoutant, ben, je me rends compte que à peu près l'intégralité a été jouée. Tu n'as trop écouté. Ah, je sais pas. Là. Peut-être qu'il était en dessous de la pile et qu'il est revenu moins souvent. Mais c'est ça. Après le concert, ben, je l'ai réécouté. Puis Je me suis rendu compte qu'ils l'ont joué à peu près intégralement, ce disque-là. En fait, il y a, sur les 9 pièces, en tout cas, ils en ont joué plusieurs parce que j'en ai reconnu. Et on va poursuivre avec un disque que j'ai cherché pendant un petit bout de temps, que je trouvais un petit peu rare, Upon Darkening Stains, du groupe Anima Morte, qui a déjà joué ici, mais que j'avais pas en ma possession. Et on va terminer ce bloc-là avec Light Damage. Et ben, peut-être un petit mot sur Spocksbeard. Oh, c'était très bon, Spocksbeard. Le claviériste était... il était beau à voir. Et le guitariste qui, à un moment donné, qui s'en va en arrière de la scène, qui revient, puis qui saute un petit peu partout. Ben oui, il s'est retrouvé dans la salle. Moi, je le cherchais, mais c'est juste à la dernière minute que je l'ai vu avec sa guitare sans fil. Et puis, ça fait toujours un petit peu spectaculaire. Et ben chapeau aussi au chanteur-guitariste, Ted Leonard, qu'on avait vu avec Transatlantique. Il fait un travail assez extraordinaire. Et ben, finalement, il y a trois membres d'origine. Dave Meros, qui est indéboulonnable, qui est toujours là. Mais le drummer avec une très belle voix. Ben oui, un petit bonhomme tout petit qui mesure, je ne sais pas s'il mesure 5 pieds. Mais effectivement, il a une très belle voix. Ça a été une belle découverte. Donc, une très belle soirée, un show double, 2 heures chacun. Donc, on est sorti de là assez tard, même si on était rentré très tôt. Ben, on y va en musique avec Nightwish. by the cockroach and its promise. I fantasized about soaring with golden wings. Hypnotized by the cockroach and its promise. I was compromised by a treasure that was fit for fools. truth with your promises of deceit. Trapped in your kingdom built on greed and guile, built on greed and guile, only to find the insects have multiplied. Disciple of the cockroach, I was hopelessly choking on the roach of fallacy. Thankfully, when the mirage finally melted, the impurity of the cockroach was revealed to me. Thank you. creaks up her speechless rose. A dream or a vision, if you wish. Another reality, madness and illusion. He fights against the cold in his stopper. He dreams of a dream. Chimeras take his lead. What a grip which looks like a kitchen. But the death and continuous noise of camps make this place animals run and shoot towards him. He enters the room, prepare for a feast. Changed. Light Damage, c'est un groupe qui a fait une prestation au Festival Progressiste qui a eu lieu la fin de semaine dernière à Soignies, en Belgique. Et d'ailleurs, cette pièce-là, cet extrait-là qui s'appelle The Supper of Cyprianus est disponible sur le site de Progressiste. Juste avant, c'était Anima Morte, le groupe suédois, avec Illusion is a Cataclysm. Et c'était précédé de Haken, extrait de Mountain, Cockroach King. Et je pense que ça donne une idée un petit peu de ce qu'est le groupe. Toi, tu as trouvé ça un petit peu heavy, tu disais. Heavy, mais j'aime le heavy, sauf que le son était très, très fort. C'est pour ça que j'ai toujours mes bouchons. Parce qu'effectivement, c'est toujours un peu trop fort. Et comme je disais, cette pièce-là, je pense que ça montre un petit peu ce qu'est le groupe. On passe d'un son très, très pesant, très métal. Et on se retrouve après ça à des vocalises très sophistiquées parce qu'à peu près tout le monde chante dans ce groupe-là. Et il y a d'autres moments sur cette pièce-là, comme dans le show d'ailleurs, où ce que on jouait franchement du jazz, là. Et c'est tout par petit clin d'œil, parce que globalement, ça demeure quand même assez élevé. Mais on peut pas dire que c'est un groupe de métal non plus. Il y a des claviers un petit peu à la Dream Theater, mais il y a d'autres sons aussi là, qui sont un petit peu fantaisistes, là. Mais c'est pas un groupe ennuyant sur scène. Du tout. On avait débuté avec Nightwish et des petits airs irlandais avec des Urine Pipe. C'était la pièce My Walden. Je vous rappelle que sur le site de Terra Incognita, vous pouvez avoir toute la setlist de l'émission, et sur le site de CKRL, l'émission est disponible aussi en podcast. Et on poursuit avec The Samurai of Prod. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Dog de Pink Floyd. Mais pourquoi on fait jouer ça? Parce qu'il est arrivé un événement qu'on attendait cette semaine. Et c'est-à-dire... Une triste nouvelle. Ben oui. C'est le décès de... Le membre fondateur de Nathan Hall. Nathan Hall, qui est décédé. Guy Leblanc, qui a fait la tournée avec Camel en 2013. Est décédé suite d'un cancer. Oui, et puis c'est un membre de longue date aussi de Camel, parce que Another and a Wink avait été enregistré avec Guy Leblanc. Il y a quand même une grosse carrière avec Nathan Mall. Il y a un ou deux disques sous son nom aussi. Mm-hmm. Et ce qu'on va entendre, une version de Dog sur The Samurai of Prog, ça regroupe aussi Ron Stolt à la guitare. Et à part les membres là, permanents de Samurai of Prog, et Guy Leblanc fait tous les claviers sur cette pièce-là. Donc on va débuter ce bloc avec Samurai of Prog. Certain look in the eye and an easy smile. You have to be

throw around. So have a good time as you go down all alone. Dragged down by the stone. Thank you. c'est Elephant of Scotland. Et qu'on va voir samedi prochain, ça vient de Execute and Breathe. Et il y a un auditeur qui a appelé pour savoir d'où ça venait, le cover qu'il a joué. Donc, c'est sur Samurai of Prog, qui s'appelle pertinemment Undercover. Et tout l'album, et on retrouve là-dessus Starship Trooper de Yes, de Lamia, de Genesis, Assassin de Marillion et Jérusalem, qu'on a connu avec Emerson, Lake & Palmer. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Dog, des Pink Floyd, évidemment, qui comprend aussi Guy Leblanc, qui est décédé malheureusement cette semaine des suites d'un cancer. Et on va aussi souligner ce triste événement par une pièce de Nathan Mall. Moi, j'aime beaucoup That Lover Use of Shadows, qui est, on peut peut-être dire, qui est presque en fait le premier de Nathan Mall, parce que le tout premier date de 1983, et là-dessus, Guy Leblanc a vraiment une allure. Une allure du temps, là, avec une espèce de coupe Longueuil. Puis, j'ai cru comprendre qu'il ne gardait pas une très grande fierté là, de ce disque-là, qui est beaucoup plus pop, qui sonne beaucoup années 80. Donc, en 99, The Lover Use of Shadows, beaucoup plus intéressant. Et c'est déjà pratiquement tout pour nous. Là. Mais restez à l'écoute parce que il y a beaucoup de bonne musique avec l'autoroute, avec Jacques et Vincent, qui vont être là une grosse partie de la nuit avec beaucoup de bonne musique. Et ben nous, on se voit à la convention. Dans deux semaines. Dans deux semaines, ça va venir vite. Et on va entendre beaucoup d'anecdotes et d'autres musiques. Donc, bonne semaine. Michel Bilodeau sera là la semaine prochaine. Et merci à France et Bruno. Et restez à l'écoute pour l'autoroute.